Chapitre 7. Système Hetzal, au-dessus de la lune fruit. 70 minutes avant l'impact. Trois vecteurs Jedi et un long beam de la République surgirent de l'espace, catapultés vers la sphère orange et verte de la lune fruit de Hetzal, dont la fertilité était connue dans toute la galaxie. Elle comptait 4 milliards d'habitants qui y pratiquaient l'agriculture et vivaient leur vie. Tous allaient mourir d'ici moins de 30 minutes si les 4 Jedi et les 2 fonctionnaires de la République ne parvenaient pas à détruire ou au moins à dévier l'objet qui filait droit sur la Lune. L'anomalie, plus volumineuse que le Long Beam, se dirigeait vers le continent principal de la Lune. Compte tenu de sa vélocité, une grande partie de la couche extérieure allait se vaporiser à l'impact et se disperser dans l'atmosphère. Ensuite viendraient la chaleur et les flammes qui annihileraient toute vie à la surface, animaux, plantes et êtres doués de conscience. En supposant que cette lune n'explose pas tout simplement à l'impact, songea Théami. Elle bifurqua légèrement pour suivre la même courbe que les 2 autres vecteurs pilotés par ses homologues Jedi. Une manœuvre qui dépendait autant du lien qui l'unissait à la force que de la pression qu'elle exerçait sur les leviers de commande. L'oblitération totale de la lune fruit comptait parmi les possibilités. La quantité d'énergie transférée à l'impact s'abattrait comme un coup de marteau sur le petit planétoïde. Les mondes paraissaient indestructibles quand on en arpentait la surface. Mais Théami en avait vu d'autres. La galaxie se fichait bien de ce que l'on estimait incassable. Il lui arrivait de détruire des objets simplement pour vous prouver qu'elle en était capable. La petite flotte filait à une vitesse vertigineuse vers l'anomalie. Maître Chris, à bord du Third Horizon, avait qualifié leur mission de haute priorité, ce que Théami comprenait tout à fait. 4 milliards d'habitants, cela constituait effectivement une haute priorité. Elle ressentait Avar dans son esprit, non pas sous forme de parole, mais comme une vague présence. Maître Chris possédait un don rare, même parmi les Jedi. Elle pouvait détecter les liens naturels entre utilisateurs de la Force et les renforcer pour créer une sorte de réseau de communication. La méthode, peu précise, convenait surtout pour échanger des sensations ou des coordonnées. Mais elle demeurait utile, en particulier dans un scénario où des centaines de Jedi s'efforçaient de sauver un système tous ensemble. Pas simplement utile, à vrai dire. Ce lien apaisait Théami. Elle n'était pas seule. Aucun d'entre eux ne l'était. Qu'ils réussissent ou échouent, les Jedi agissaient tous ensemble. « Mais nous n'échouerons pas », pensa-t-elle. Tendant un long doigt vert, elle activa l'un des interrupteurs à la forme élégante de son tableau de bord. Sa com s'alluma. Long Beam de la République, c'est le moment. J'ai besoin que vous transfériez vos systèmes d'armement sous mon contrôle. Bien reçu, répondit le pilote du Long Beam, Joss Adren. Son épouse, Pika, occupait le siège de copilote. Théami ne les connaissait pas personnellement. Elle savait juste qu'il ne faisait pas partie de l'équipage du Third Horizon et s'était immédiatement portée volontaire lorsque le croiseur était entré dans le système et que l'on avait compris l'étendue du désastre. L'amiral Cronara les avait affectés à un Long Beam. Mieux valait envoyer un vaisseau supplémentaire plutôt que de le laisser prendre la poussière dans son hangar. Les quelques mots échangés en dehors de la mission sur le chemin de la Lune Fruit avaient laissé entendre que Joss et Pika étaient entrepreneurs, des ouvriers sur le flambeau stellaire qui avaient profité du Third Horizon pour rejoindre gratuitement le noyau maintenant qu'ils avaient terminé leur contrat. Tous deux semblaient être des gens bien. Il ne restait plus qu'à espérer qu'ils soient compétents. La tâche qui les attendait ne les ménagerait pas. Une lumière couleur ambre clignota sur l'écran de Théami, puis resta allumée. Arme basculée sous votre contrôle, annonça Joss. « Merci !» répondit-elle avant d'activer quelques interrupteurs. Elle reprit vivement les leviers de direction. Les vecteurs pouvaient se révéler capricieux. La réactivité fluide des contrôles leur permettait de réaliser des manœuvres incroyables, mais seulement au prix d'une concentration constante. « Très bien, mes amis. Nous sommes prêts ?» Les réponses lui parvinrent par le canal réservé aux Jedi. La voix basse de Michael Soutmani gronda dans ses haut-parleurs, immédiatement traduite en basique par les systèmes de bord. Paré. Michael, l'Itorien le plus réfléchi qu'elle ait jamais rencontré, avare de mots mais menant systématiquement à bien toutes les missions. Nous sommes prêts ici aussi, répondit la voix féminine de Nib Asek, troisième et dernier chevalier Jedi de leur petit escadron. Son padawan, Buryaga Agaburi, ne dit rien. Le jeune Wookie comprenait le basique, mais ne parlait que le Shiriwook, que Nib pratiquait aussi. Elle l'avait appris tout spécialement pour le prendre comme apprenti. Ce n'était pas facile pour une gorge humaine de reproduire les grondements et gémissements qui composaient la langue des Wookies, mais elle avait fait l'effort. Théami et Michael, eux, ne comprenaient pas un mot de ce que disait Buryaga. Cela dit, si Nib Asek affirmait qu'elle et son padawan étaient prêts, Théami n'en doutait pas. « Projetez-vous dans la force !» leur dit-elle. « Nous allons le faire ensemble, tous unis !» Elle déploya ses sens au travers de la force, cherchant le redoutable météore, ou plutôt l'objet inconnu dont les scans ne révélaient pas la nature exacte et qui filait vers eux dans l'espace. Là, elle le sentait qui déformait le champ gravitationnel sur son passage. Elle réfléchit, se penchant sur l'origine de l'objet, sa position actuelle, l'endroit où il allait se trouver ensuite. Et en particulier, celui où il se trouverait lorsqu'il recevrait de plein fouet les rafales conjuguées des armes des Vectors et du long beam à intensité maximale. On ne pouvait calculer ce tir à l'aide d'ordinateur. Il fallait agir d'instinct, avec la force. Tous les Jedi focalisant leurs efforts sur un moment unique. « J'ai la cible !» annonça-t-elle. « On y est ?» Aucune réponse ne lui parvint de la part de ses homologues, mais elle n'en avait pas besoin. Elle sentait leur acquiescement au travers du lien qu'établissait Maître Chris depuis la surface de Hetzal Prime. C'était plus rapide que de parler, plus efficace. « Devenons des lances !» conclut-elle, employant une phrase rituelle de son peuple, les Duros. Pour éviter de lâcher ses leviers de direction au moment crucial, Théami utilisa la force afin de tirer son sabre laser de l'étui à sa ceinture. Une barre transversale en cuivre très oxydé traversait le manche de séracote sombre. Lorsqu'on l'activait, il émettait une lame bleue. L'arme comportait des éraflures et des marques de choc, ainsi qu'une cloque de soudure disgracieuse près de l'extrémité, là où elle avait dû refixer un élément qui s'était détaché. S'il existait un sabre plus laid dans tout l'ordre, elle ne l'avait jamais vu. Mais il se déployait quand elle le voulait, et le cristal Kyber restait aussi pur et résonnant que le jour où elle l'avait trouvé sur Illum jadis. Théami aurait-elle pu rénover le sabre si elle l'avait souhaité? Absolument. Nombre de Jedi changeaient souvent de manche pour les ajuster à l'évolution de leur technique de combat, pour suivre les innovations technologiques. Voire simplement pour le style, l'esthétique, la mode, pour ainsi dire. Théami ne s'y intéressait pas le moins du monde. Son sabre laser, aussi ingrat fut-il, reflétait à la perfection l'une des vérités essentielles de la force. Peu importait l'apparence extérieure. À l'intérieur, chacun était composé de lumière. Le sabre laser se déplaça dans le cockpit exigu. Il vint se poser contre une plaque métallique sur le tableau de bord avec un petit déclic particulièrement satisfaisant, maintenu en place par un minuscule champ de force localisé. Un vrombissement se répercuta dans la coque de l'appareil lorsque ses systèmes d'armement s'activèrent. De nouveaux affichages et curseurs s'allumèrent, émettant la même lumière bleue que celle de l'arme. On ne pouvait déclencher les armes d'un Vector qu'au moyen d'un sabre laser, ce qui permettait d'en réserver exclusivement l'usage aux Jedi et de s'assurer que leur emploi procédait toujours d'une action bien réfléchie. En outre, on pouvait accroître ou réduire l'intensité des lasers du vaisseau grâce aux manettes de contrôle. Tous les tirs n'étaient pas destinés à tuer. On pouvait neutraliser, mettre en garde et recourir à tout un éventail d'options. Dans ce cas, toutefois, on avait réglé les armes au maximum. Il fallait qu'elle désintègre l'anomalie spatiale, la pulvérise, ce qui nécessiterait toute la puissance des trois vecteurs associés à celle du long beam. Une énorme rafale. cette stratégie allait fonctionner. Il le fallait. La vie de 4 milliards d'habitants sans défense était en jeu sur la lune fruit. Théami se projeta de nouveau dans la force pour vérifier si ses homologues étaient prêts. Elle sentit quelque chose. Dans le flux qui la reliait au vaisseau de Nib Asek, la peur. Presque de la panique. « Nib, je ressens... » commença-t-elle. « Je sais, Théami. » la coupa la voix de Nib. Calme, mais peut-être un peu gêné. C'est Buryaga. Il a du mal à contenir ses émotions. Je crois que c'est le stress lié à notre mission. Toutes ces vies dans la balance. Tout va bien, petit. Fit la voix rocailleuse de Mikkel traduite par la com. Tu n'es qu'un padawan, et pourtant nous t'en demandons beaucoup. Théami, pouvons-nous lui épargner le fardeau qui consiste à nous assister pour le calcul de tir? Oui, répondit Théami. Il n'y a aucune honte à cela, Bury. C'est une occasion d'apprendre, voilà tout. Théami se concentra pour dévier délicatement la connexion du padawan de Nib Asek. Le Wookie demeura silencieux. Elle ressentait encore le bouleversement qui émanait de lui. Eh bien, il n'y avait rien de honteux, comme elle l'avait exprimé. Chaque Jedi trouvait sa propre voie, certains plus lentement que d'autres. « Allons-y !» dit Nib, peut-être pour rattraper le retard dû à son élève. « Le temps presse !»« Entendu !» répondit Théami. Elle posa ses deux pouces sur les leviers de commande qu'elle fit pivoter le long de la molette d'intensité afin de régler les armes sur la puissance maximale. Puis, elle cala les mains sur les gâchettes. L'objet fonçant vers la lune. Sa position précédente. Sa position actuelle. Sa position future. Les autres Jedi étaient prêts. Ils tireraient au même moment qu'elle, tout comme les systèmes jumelés du Long Beam de Joss et Pika, chaque faisceau convergeant très précisément vers le même point de l'espace. 4 milliards d'habitants. Il était temps. Théami raffermit sa prise sur les gâchettes. Le système COM lâcha un rugissement, une plainte sonore et insistante, un véritable cri, presque paniqué. Le bruit surprit Théami. Si elle n'avait pas été un chevalier Jedi, elle aurait pu tirer par inadvertance. Mais sa maîtrise lui permit de garder le contrôle. Il lui fallut un instant pour comprendre ce qu'elle entendait. Il ne s'agissait pas d'un cri inarticulé, mais bel et bien de mots. En Chiriwook, Buryaga exprimait quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Une plainte répétée, désespérée. Ses émotions troublaient de nouveau la force, toujours ce mélange de peur qui frisait la panique pure. « Buryaga, je suis navré, je ne comprends pas le Chiriwook. Tu vas bien? Le temps presse, il faut qu'on tire !»« Non !» dit sèchement Nib Asek sur un ton appuyé. Derrière elle, on entendait les gémissements et les grondements de Buryaga dans sa com. « Nous ne pouvons pas attaquer !» ajouta-t-elle. « Mais de quoi parlez-vous ? » fit Mikkel. « Nous n'avons pas le choix !»« Buryaga est en train de m'expliquer !» Les émotions qui émanaient de lui, ce n'étaient pas les siennes. Il les percevait simplement. Il lui a fallu se concentrer sur elles et surmonter sa propre crainte avant de pouvoir les comprendre. Je vous en prie, Nib, expliquez-nous simplement ce qu'il entend par là, demanda Théami. Nouvelle longue diatribe plaintive en Chiriwook, puis une pause. L'objet, dit enfin Nib. Celui qu'on doit détruire pour sauver la Lune. Ce n'est pas qu'un objet spatial. C'est un débris. Un fragment de vaisseau. Théami laissa retomber ses mains de part et d'autre des leviers de contrôle. De nombreuses personnes y sont coincées, conclut Nib. Et elles sont en vie.